Beaucoup iront en enfer parce que leurs genoux et leurs cous sont trop raides pour plier et leurs pensées trop intelligentes pour Dieu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Il est très difficile pour un homme qui se considère intelligent, érudit et bardé de diplômes d'aller à l'Église ou d'entendre l'Évangile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la parole de Dieu lui paraît stupide, irrationnelle et folle. Pourtant, l'homme avec la meilleure éducation et la plus fine intelligence devrait être celui qui possède l'approche la plus sage pour atteindre Dieu. Hélas, Dieu ne tolère pas les prétentieux. Aujourd'hui, En Contact, Charles Stanley nous livrera un enseignement sur un livre du Nouveau Testament, la première épître aux Corinthiens. Ce livre nous a déjà enrichi de ses préceptes révélateurs et pratiques. Or, ici, nous prendrons un chemin différent alors que nous nous attaquons aux problèmes de la foi et l'intellect. Voici Charles Stanley. Nous commencerons notre étude biblique avec une lecture de la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix, le message de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, ne soyez pas trop inquiets quand Dieu vous dit que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car vous pouvez changer votre triste destinée si vous décidez de croire. Poursuivons la lecture du verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, pour ceux qui sont sauvés, le message de la croix est une puissance de Dieu. Dès le début de cette épître, l'apôtre Paul souligne qu'une approche purement intellectuelle mènera à la ruine et à la destruction. L'homme qui tente de découvrir Dieu et d'être accepté par lui en s'appuyant sur ses bonnes actions, sa raison et sa logique périra. L'homme ne peut pas développer son propre petit plan de salut, où il s'arrange dans ses raisonnements logiques pour se rendre acceptable aux yeux de Dieu. Réfléchissez bien là-dessus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il faut bien admettre que, d'un point de vue purement intellectuel, le message de la croix semble idiot. Vous voulez dire que vous croyez en cet homme né dans une étable à bestiaux? Ou une caverne, et dont personne ne sait rien quant à la majeure partie de sa vie? Vous croyez en ce fils de charpentier qui, fatigué un jour de travailler le bois, a décidé de devenir un prédicateur itinérant? Cet homme qui, comme beaucoup d'autres à cette époque, s'est recruté quelques disciples? Bien sûr, on prétend qu'il a guéri miraculeusement des gens, qu'il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. On ira même jusqu'à dire qu'il a déjà marché sur l'eau. Si vous voulez mon avis, il faut être complètement cinglé pour croire qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Et en plus, ils disent qu'il est ressuscité des morts. Rien que ça. Non, mais on ne vous a jamais dit que quand vous êtes mort, vous êtes mort? Ils disent qu'il lui suffisait de toucher les gens pour les guérir. Or, tout le monde sait qu'on doit être médecin pour guérir des personnes. Oh, bien sûr, il aimait peut-être bien les petits-enfants et il a dit de belles choses, c'est vrai. Cependant, il a également dit que si vous l'aviez vu, vous aviez vu Dieu. Oh, on en a enfermé pour moins que ça. Tout le monde sait que personne ne peut voir Dieu. Et non seulement il a dit qu'il venait de Dieu, mais aussi qu'il retournait vers Dieu. Or, tout cela lui est revenu en pleine figure et tous ses disciples l'ont laissé tomber, même ses plus fidèles. La nuit où ils disent qu'il parlait à son père, et au moment de son désespoir le plus profond, quand il avait le plus besoin d'eux, ses disciples l'ont laissé tomber. Et alors, on l'a jugé. Il s'est apparemment fort mal défendu, car, entre vous et moi, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Or, Jésus s'est quand même retrouvé sur une croix, à subir le sort des pires criminels. Il y en avait d'ailleurs 2 autres avec lui. C'est là qu'il est mort, et il a été enterré. Ils ont dit que les Romains surveillaient la tombe. Mais ils devaient roupiller, car quelqu'un est passé et il s'est sauvé avec le corps. Et ensuite, ils en ont fait un grand héros. Depuis ce temps, tout le monde suit cette espèce de fou. Mais tout homme qui possède un brin de cervelle sait bien qu'il n'était qu'un de ces prédicateurs itinérants. Il en a gagné beaucoup à sa cause, mais il faut être un peu idiot pour croire ces salades. Toutefois, le Dieu Tout-Puissant vous dit que vous ne vous rendrez jamais acceptable à ses yeux en vous appuyant sur votre raison humaine, votre intellect ou toute autre force que vous pouvez trouver en vous. C'est impossible. La fin ultime de ceux qui tentent de se créer intellectuellement une foi qui les rendra acceptables aux yeux de Dieu est la ruine. Car Dieu dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je vous montrerai pourquoi dans quelques instants. Mais tout d'abord, lisons le verset 19. « Aussi est-il écrit, c'est-à-dire écrit par Dieu, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Dans la version originale de la Bible, le mot grec pour « rendre nul » donne l'idée d'un rejet total. Dieu dit que l'intelligence des intelligents n'obtient aucun mérite à ses yeux. Il l'a rejetée, ce qui signifie qu'il a rejeté la manière charnelle dont l'homme aime à se rendre acceptable aux yeux de Dieu. Toutes les religions du monde, excepté la foi chrétienne, contiennent une forme de salut ou un quelconque rituel par lequel l'homme cherche à se rendre acceptable aux yeux de ses dieux. Et chacune d'elles, sans exception, contient un plan de salut par les bonnes actions et les bonnes œuvres. Nous pouvons y entendre, sous une forme ou une autre, « Je travaillerai plus fort, je travaillerai plus longtemps, je serai plus persévérant, je serai plus discipliné, je me consacrerai mieux à ma tâche, je serai plus bienveillant. » Car les adeptes de ces religions pensent que plus ils donnent, plus ils en font, plus ils travaillent et plus ils se montrent persévérants, plus ils se rendront acceptables devant leur Dieu. Car c'est pour cela qu'ils travaillent. Ils veulent gagner l'approbation de leur Dieu. Toutes les religions se fondent sur une logique et un raisonnement humain basé sur l'effort personnel. Si je travaille mieux, je serai une meilleure personne, et plus je deviens une meilleure personne, plus je serai acceptable aux yeux de mon Dieu. Or, la foi chrétienne affirme que tous ces principes sont faux, non valides et à rejeter, car ils glorifient l'homme et non Dieu. Faut-il être alors surpris si le monde est rendu dans cet état avec de telles conditions? La logique, le raisonnement et la pensée humaine se trouvent à la racine et au cœur des principes qui gouvernent ce monde. L'homme se croit capable, par ses propres moyens, non seulement de se sauver lui-même, mais de sauver la société. Nous sommes maintenant sur un chemin qui, selon Dieu, mène à la ruine et à la destruction, car il affirme qu'il est nul. Il est insensé de tenter de découvrir le remède et de résoudre tous les maux du monde en négligeant celui qui a créé le monde et qui est la source de toute guérison, qu'il s'agisse d'une guérison personnelle ou collective. Cela ne peut pas fonctionner. Dieu déclare qu'il a détruit la sagesse des sages. Que veut-il signifier par cela? Pourquoi condamne-t-il la sagesse humaine? Réfléchissons à l'enjeu qui se présente ici. Quand Dieu parle de détruire la sagesse des sages, il fait référence à la sagesse des hommes qui s'élève contre la sagesse de Dieu. Continuons notre lecture au verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu affirme qu'il a rendu folle la sagesse de ce monde, car malgré sa propre sagesse, le monde n'est pas parvenu à connaître Dieu. Il met donc en opposition le chemin de l'homme et son propre chemin. Car le chemin de Dieu est le chemin de la foi, et le chemin de l'homme est le chemin de l'intellect. Plus un homme a de l'éducation, plus il a des capacités de raisonnement. Plus il est capable de comprendre logiquement les choses, plus il est intelligent. Il fait alors son chemin vers le salut. C'est pourquoi Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19, qu'il détruira la sagesse des sages. Il souligne cela parce que l'homme utilise mal sa capacité d'accumuler la connaissance. Au lieu d'appliquer cette connaissance avec sagesse, c'est-à-dire de l'appliquer dans la mesure où Dieu la lui accorde, et en comprenant que c'est Dieu qui la lui accorde, et de l'appliquer en tenant compte de lui, l'homme cherche à bannir Dieu de la connaissance et, par vain orgueil et égoïsme, tente d'inventer une société où Dieu n'est plus nécessaire. La raison pour laquelle ce genre de société ne peut pas fonctionner est la suivante. Dieu a dit qu'il rendra nulle l'intelligence des intelligents. Dieu méprise l'orgueil humain car elle est au cœur et à la racine de sa rébellion. Le problème fondamental de l'homme se situe au niveau de son esprit rebelle qui l'incite à dire « Je ne me conformerai pas au moule que Dieu cherche à m'imposer ». Tout dans le raisonnement humain est donc fondé sur les propres efforts de l'homme et non sur la seule chose qui pourrait le sauver, la faveur non méritée venant de la mort expiatoire de Jésus-Christ. En effet, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 20 et 21, « Où est le sage? Où est le scribe? Les scribes étaient ceux qui étudiaient les Écritures du passé. Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » L'apôtre Paul fait ici référence aux scribes, considérés comme des érudits parmi le peuple juif et aux raisonneurs principalement parmi les Grecs. Les Grecs étaient de grands raisonneurs. Ils se plaisaient à étudier les différentes philosophies et tiraient beaucoup de satisfaction à simplement connaître les principes proposés par des philosophes adulés. Et cela est encore une pratique courante de nos jours. Je suis continuellement étonné de voir des hommes qui ne connaissent pas Dieu être cités continuellement dans les médias. Leurs principes sont diamétralement opposés à ceux des Écritures. Comment pouvez-vous utiliser la folie de la pensée humainement charnelle et espérer gouverner un pays avec sagesse? Continuons maintenant notre lecture au verset 21, si vous le voulez. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés et nous révéler la véritable identité de Dieu. Il n'est pas seulement un Dieu de justice et de jugement, mais aussi un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et un Dieu de paix. Il désire que chaque personne sur terre obtienne ce que la vie peut lui apporter de meilleur. Jésus n'est pas venu parmi nous pour condamner, mais pour que les hommes aient la vie et l'aient éternellement en abondance. Rappelons-nous que l'éternité n'est pas seulement une quantité de vie accessible après la mort, mais aussi une qualité de vie accessible dès maintenant. Or, quand les hommes méprisent Dieu et rejettent le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui leur reste est une religion artificielle. Personne ne peut connaître Dieu indépendamment de Jésus-Christ. Un homme peut lire la Bible et connaître certaines choses sur Dieu, mais il ne pourra jamais le connaître personnellement dans le cadre d'une relation intime, chaleureuse et privée sans Jésus. Car il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur des grandes philosophies? La raison n'a jamais contribué à conduire un seul homme de cette terre à Dieu. Et nous avons, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voici la signification de ce verset. Les Juifs importunaient continuellement Jésus afin qu'il fasse des miracles pour eux. « Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous un miracle !» Or, quand Jésus accomplissait des miracles sous leurs yeux, ils refusaient de se repentir, mais ils persistaient à dire « Si tu nous fais un miracle, nous croirons en toi !» Jésus pouvait ressusciter un homme qui était mort, les Juifs se mettaient à rationaliser l'événement. Ils refusaient d'admettre qu'il était le Sauveur et le Messie, et cela même quand l'impossible se produisait sous leurs yeux, car ils étaient vendus à une approche intellectuelle de Dieu. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 23. « Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Pour un païen, l'idée qu'un Dieu tout-puissant consente au répugnant supplice de la croix était pure folie. Cela n'a aucun sens. Nous l'avons vu crucifié. Nous savons qu'il a été enterré. Ce sont les disciples qui ont dérobé le corps et ils l'ont caché. N'est-il pas remarquable que personne n'ait jamais trouvé le corps de Jésus? Pourtant, les Romains, tout autant que les pharisiens, n'avaient aucun intérêt à ce que la nouvelle de la résurrection de Jésus se répande. Selon leur raisonnement, Jésus constituait une menace pour la paix sociale et l'ordre public. La meilleure façon de tuer cette rumeur était de retrouver le corps. Je suis sûr que les Romains n'ont pas lésiné sur les moyens afin de retrouver le corps. Or, personne n'a jamais réussi à mettre la main dessus, et ceci pour une raison très simple. Jésus est apparu plus tard à plusieurs reprises dans son corps glorifié et bien vivant. Dieu confondra les hommes les plus puissants et les plus sages de cette terre. De plus, il sera toujours, selon le verset 23, scandale pour les Juifs. Pourquoi Jésus était-il un objet de scandale pour les Juifs? Parce qu'il n'était pas à la hauteur de leur attente et de leur raisonnement humain. Ils attendaient un Messie qui, à l'image de son ancêtre David, serait un grand guerrier qui viendrait les libérer de la domination des Romains. Au lieu de cela, ils ont découvert ce curieux bonhomme, un charpentier, né dans un petit bled perdu, Bethléem. Après avoir grandi à Nazareth, il s'est mis à proférer des bizarreries du style « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre ». Citation de Matthieu, chapitre 5, verset 39. Voyons, ça n'a aucun sens. Œil pour œil, dent pour dent, ça c'est envoyé. Le libérateur de la nation d'Israël sera un vaillant cavalier sur son fier étalon qui viendra détruire Rome. Les Juifs ne réalisaient pas que Jésus-Christ allait effectivement détruire le joug romain, mais pas en utilisant une épée. Sa seule arme est l'amour. Toutefois, comment voulez-vous que la pensée limitée, charnelle, intellectuelle et raisonnable puisse un jour réaliser cela? C'est pourquoi toute cette idée était un scandale pour les uns et une folie pour les autres. Et toi, pour qui la croix de Christ est encore une folie ou un scandale? Si tu continues à rejeter Jésus-Christ, un jour, tu verras celui que nous voyons déjà. Or, si tu attends d'être mort pour le voir, il sera trop tard, car alors, il ne sera plus ton sauveur, mais ton juge. C'est pourquoi nous t'avertissons avant qu'il ne soit trop tard. Tu te demandes peut-être si j'ai vraiment vu Jésus. Je ne l'ai pas vu physiquement, et je n'en éprouve pas le besoin. Je l'ai vu dans mon esprit. Je l'ai senti dans mon cœur, et je le connais dans ma vie. Dans le fond, tu veux peut-être le même Jésus-Christ, mais tu ne le réalises pas. Il est difficile pour un homme de se mettre à genoux devant un Dieu qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas toucher, qu'il ne peut pas sentir, et parler d'un Jésus qui a vraiment existé. Je veux te dire, cher intellectuel, que si tu ne plies pas les genoux devant Dieu, tu ne découvriras jamais la vie. Si tu es trop fier pour ployer devant Dieu, tu ne te rendras jamais jusqu'au ciel. Tu aurais beau être la meilleure personne qui ait jamais vécu, la plus bienveillante, la plus riche au monde. Tu aurais beau être le voisin le plus serviable, si tu es trop orgueilleux pour te prosterner face contre terre devant Dieu et l'implorer pour que le sang de Jésus-Christ couvre tes péchés, tu ne seras jamais sauvé. Et beaucoup de gens iront en enfer parce que leurs genoux sont trop raides pour plier devant Dieu ou parce que leur cœur est trop dur et leurs pensées trop intelligentes. Mon ami, ce qui t'apparaît fou et nul est en réalité ton seul espoir. Révisons les paroles de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix est le seul espoir de l'humanité. Voilà en quoi il consiste. Dieu, dans sa grâce et son immense amour, est venu dans ce monde par l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans une chair humaine. Il a marché parmi les hommes, principalement dans le but de mourir pour eux. Dieu, dans sa justice, avait jugé le monde et l'avait déclaré coupable. Le seul espoir de l'humanité était de trouver un substitut, quelqu'un pour payer pour le péché de l'humanité. Car Dieu dit, dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tout homme ayant vécu a péché contre Dieu. Or, l'homme essaie toujours, aidé par sa raison, de se justifier devant le jugement de Dieu. Il voudrait être capable de bannir une fois pour toutes l'idée selon laquelle il est redevable à Dieu et qu'un jour, il devra lui rendre compte de sa vie. C'est là le problème de l'humanité. Le message de la croix est que Dieu nous a tellement aimés, malgré notre condition pécheresse et désespérée, qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ et qu'il a donné sa vie pour nous tous. Personne d'autre que Jésus-Christ n'aurait pu donner sa vie pour nous, car pour payer la dette de notre péché, il devait lui-même être sans péché, sinon il aurait dû acquitter sa propre dette. Et Jésus-Christ est le seul homme à avoir vécu sur la terre sans jamais pécher. Le jour où il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Dieu le Père avait accepté le paiement total, adéquat, permanent et éternel de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Tout homme et toute femme pouvaient alors être délivrés de ses péchés. Le chemin vers le salut, le chemin de l'espoir et le chemin de la vie éternelle impliquent pour chacun d'entre nous cette prière, cette confession au Seigneur. Je te confesse mes péchés. Je reconnais mon besoin de toi et de ta grâce. J'admets ma condition d'homme ou de femme perdue. J'avoue m'être rebellé contre toi. Et par la foi, j'accepte que la mort de ton Fils sur la croix constitue un paiement valable pour mes péchés. Je te donne ma vie afin de vivre tous les jours de ma vie dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Quand on donne sa vie au Seigneur ainsi, il s'agit d'un acte de foi. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous ne pouvez rien rationaliser. Et personne ne peut expliquer la mort expiatoire de Jésus-Christ. Or, Dieu vous a rendu capable d'obtenir ce que vous n'auriez jamais pu obtenir sans lui. Et tout cela est accessible seulement par pure grâce divine. Si vous êtes un de ceux qui pensent ne rien vouloir avant de l'avoir mérité, si vous pensez que vous ne méritez une chose que si vous avez durement travaillé pour l'obtenir, je suis désolé pour vous. Je dois vous révéler un secret, en effet. Vous ne pourrez jamais travailler assez fort pour mériter votre salut. Or, Dieu veut vous offrir ce que vous ne serez jamais capable de raisonner, de mériter, de payer. La seule façon de l'obtenir est la même façon pour laquelle nous l'avons tous obtenu, c'est-à-dire par la foi, en criant à Dieu notre besoin désespéré de son pardon. « Seigneur, sauve-moi par le sang répandu du Seigneur Jésus-Christ !» C'est là le seul espoir de l'humanité. Et vous ne serez jamais assez érudit, assez scientifique, assez intellectuel, assez sage et assez intelligent pour tromper le Dieu qui vous a créé, qui vous a donné votre cerveau. Humiliez-vous devant le Dieu Tout-Puissant et soumettez-lui votre vie par la foi en votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car toutes les autres manières ont été vouées à l'échec par Dieu et aucun homme orgueilleux ne se tiendra debout devant Dieu au jour du jugement. Il n'existe qu'une manière d'obtenir la vie éternelle, pas par la pensée ou par l'intellect, mais en vous humiliant devant le Dieu Tout-Puissant et en lui confessant par la foi. je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. L'homme sage qui entend la vérité applique la vérité à sa vie. Vous venez d'entendre la vérité toute simple de Dieu. Et si vous êtes un homme ou une femme sage, vous l'accepterez en échangeant votre approche intellectuelle pour une approche enfantine, celle de la foi. Car Jésus a dit dans Marc, chapitre 10, verset 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. N'êtes-vous pas d'accord pour avouer que cela constituerait l'expérience la plus tragique de la vie? » Comme Charles Stanley l'a souligné dans l'émission d'aujourd'hui, l'homme ou la femme vraiment sage acceptera le message de la croix par la foi. Il ou elle s'agenouillera devant Dieu, en rejetant le mensonge de l'approche intellectuelle, donnera sa vie au Seigneur et l'acceptera comme Seigneur et Sauveur. Dans notre société actuelle, l'intelligence s'exprime moins par des raisonnements philosophiques que par des capacités scientifiques ou technologiques. Les gens accordent de la valeur à ce qui fonctionne. Lorsque vous branchez un appareil ménager dans une prise électrique, insistez-vous pour connaître exactement l'action des électrons dans le fil et la relation existant entre l'électricité et le magnétisme avant de consentir à vous en servir? Non, n'est-ce pas? L'important, c'est que ça marche. Considérez maintenant la vie d'un homme qui a vécu il y a de cela environ 20 siècles. Il n'a jamais écrit un mot, il ne maniait pas l'épée, il a vécu dans la pauvreté la plus totale, comme un itinérant, et il est mort d'une façon horrible. Nous pouvons raisonnablement conclure que nous avons affaire à tout un perdant, n'est-ce pas? Pourtant, encore aujourd'hui, des milliers de gens se convertissent au nom de cet homme, Jésus-Christ. Force est donc d'avouer que le christianisme fonctionne vraiment, même si sa puissance est aussi invisible que l'électricité. Et si Jésus n'est pas véritablement le Dieu qu'il prétend être, comment expliquer un tel succès? Je vous en prie, faites-moi grâce de la croyance totalement farfelue que Christ était la fabrication de ses disciples. Le christianisme a été en butte à une persécution pendant les 4 premiers siècles de son existence. Les chrétiens ont été poursuivis et martyrisés. Soyons donc raisonnables. Il est impossible qu'autant de gens aient été assez stupides pour mourir dans de telles souffrances à cause d'un canular qui, à l'époque, pouvait être facilement éventé. Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.